Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est la vérité du politique ? De Machiavel, fin observateur du désenchantement républicain et de l'Italie en guerre à partir de 1494, au grand laboratoire de Marc Bloch, de la Grande Guerre à la Seconde Guerre mondiale, quelle anthropologie du pouvoir sur le vif ? Qu'est-ce que cela pourrait être une erreur collective ? Demande Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Le médiéviste qui aime déborder sur la Renaissance nous entraîne cette semaine dans une grande enquête autour des fictions politiques, titre de la série de cours qu'il a donné début 2017, au moment de l'investiture de Donald Trump et alors que les débats sur les faits alternatifs faisaient rage dans un contexte d'effritement démocratique et de montée des populismes. Le questionnement de la vérité politique par Patrick Boucheron nous a conduit hier aux fables de Machiavel, le prince devant apprendre à imiter le lion et le renard pour conserver le pouvoir. Aujourd'hui, l'historien s'attache à la vérité effective de la chose dans le chapitre 15 du Prince. Patrick Boucheron, qui ne cesse de revenir à l'homme d'action toujours sur la brèche et à son œuvre, rappelle dans son recueil de chroniques radio qui doit paraître en mai sous le titre « Un été avec Machiavel » aux éditions des Équateurs, qu'il voit chez l'homme politique, chez le diplomate, et je le cite, « le maître des déniaisements ». Voici pourquoi il fut durant toute l'histoire l'allié des mauvais jours. Ce franc-tireur sait toujours se porter aux avant-postes, nous obligeant à le lire non pas au présent, mais au futur. Dans son essai « Léonard et Machiavel », Patrick Boucheron note que la compréhension du prince est paralysée depuis que l'on se demande s'il est un manuel destiné à apprendre au prince l'art de tyranniser, comme le soutient Diderot, ou bien au contraire, s'il est une leçon de résistance adressée aux républicains, ainsi que l'espérait Rousseau. Pour Claude Lefort, Machiavel nous met en demeure de nous situer au point d'indétermination politique. S'il est captivant, explique encore Patrick Boucheron, c'est précisément parce que Machiavel permet de comprendre comment l'énergie sociale des configurations politiques déborde toujours les sages ordonnancements dans lesquels on prétend les enfermer. Au moment où l'on s'inquiète de savoir si une situation politique va déboucher sur telle ou telle issue, mieux vaut comprendre qu'elle est animée par un mouvement d'ensemble qui les emporte de plus loin. À l'actualité de la réflexion de Machiavel, répond celle de Marc Bloch, historien immense et résistant héroïque, au carrefour de la naissance des sciences sociales, selon les mots de Patrick Boucheron, qui cherche à comprendre le politique par le dedans. L'auteur des Rois Thaumaturges en 1924, effrayé par les aberrations, va des bobards de la Grande Guerre à l'éclat trompeur des rois. Patrick Boucheron nous propose aujourd'hui et demain ce qu'il appelle une archéologie des erreurs collectives, où il s'agira de rompre le charme théologico-politique. L'historien s'interrogeant sur la dégradation de la parole publique que nous subissons aujourd'hui fait l'hypothèse des expérimentations pour l'Amérique trumpienne du spectacle bien mal nommé de télé-réalité. Là, s'est patiemment construite cette indifférence à la vérité effective de la chose pour parler comme Machiavel. Mais dans tous les cas, nous dit encore Patrick Boucheron, c'est bien dans la fiction que s'invente la politique à venir. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 24 janvier 2017. Alors cette question de la vérité du politique, je la poserai donc à partir du commentaire d'un extrait du chapitre 15 du Prince, très court mais très célèbre, où apparaît l'expression « vérité effective de la chose ». Verita effettuale de la causa. Et je ferai donc, en me demandant ce que fait Machiavel quand il dit ce qu'il dit, formulation skinnerienne, ou bien, formulation foucauldienne, à quelle expérience de pensée il convie son lecteur en écrivant une fiction politique. Et en méthode, je m'attacherai donc par conséquent rapidement aux effets de langue, aux effets de contexte et aux effets d'actualisation philosophique d'un tel passage. Chapitre 15 du Prince. Il reste maintenant à voir quelles doivent être les façons et les gouvernements d'un prince envers ses sujets ou ses amis. Nous sommes au seuil d'un nouveau livre, à une bifurcation que rien n'annonçait dans le plan, sans cesse contourné du traité. Quand, en règle générale, Machiavel dit « il reste maintenant à voir » ou par exemple « nous ferons ça la semaine prochaine », autre chose se passe. Hein. Il y a une sorte de bifurcation qui fait que, sans cesse, il a des effets de surprise. Il ne nous reste plus à présent qu'à parler, il n'en parle pas, etc. Donc il y a une sorte de bifurcation qui est toujours un petit peu hésitante et des revirements qui, déjà, nous mettent en alerte. S'il s'agit de nous dire que la politique, c'est le lieu de l'indétermination, alors autant nous en faire faire l'expérience littéraire. De cette instabilité. Revirement, donc, mais aussi renversement. Et parce que je sais que beaucoup ont écrit à ce propos, je crains, en écrivant moi aussi, d'être tenu pour présomptueux, d'autant que je m'écarte en disputant de cette matière de l'ordre des autres. Qui sont les autres ? C'est toute la question. Mais on n'aura pas le temps, je poursuis. Mais puisque mon intention est d'écrire chose utile à qui l'entend, il m'est apparu plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que l'image qu'on en a. Et beaucoup se sont imaginés républiques et principats dont on n'a jamais vu l'issue qu'ils existaient vraiment. En effet, il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre que celui qui laisse ce que l'on fait pour ce que l'on devrait faire apprend plutôt sa ruine que sa conservation. Car un homme qui voudrait en tout point faire profession d'homme bon, il faut bien qu'il aille à sa ruine parce que tant d'autres qui ne sont pas bons sont. Ainsi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et d'en user, et de n'en pas user selon la nécessité. C'est évidemment la maxime cardinale du machiavélisme, le moment où Machiavel ressemble le plus au masque du machiavélisme, le moment où il décroche l'agir princier de la morale commune, le moment où il fait du mal un problème adverbial. Le prince n'a pas à faire le bien ou le mal, il peut faire bien ou mal ce qu'il a à faire. Nous sommes ici au point de la répulsion machiavélienne, hein, le seuil de l'histoire des régimes de vérité que Michel Foucault va relever. Là, il n'y a plus de vérité. Les trois chapitres suivants du prince déploient cette maxime à l'épreuve de cette philosophie de la nécessité, mais ce n'est pas mon affaire ici. L'affaire, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire chose, qu'est-ce que ça veut dire vérité. La vérité effective de la chose. La langue de la diplomatie italienne a une expression pour dire l'instabilité de la situation, c'est les cose d'Italia, les choses italiennes. Ça désigne le système instable des États italiens, toujours en quête de son mode d'équilibre, et au fond, la diplomatie, c'est ça, et Machiavel est diplomate, hein, c'est de peser les choses in modo bilanciato, de manière mesurée, d'en faire l'équilibre. L'Italie du Quattrocento dans ce monde-là, qui est un monde où Machiavel éprouve douloureusement l'incapacité des mots du politique à dire les choses qui sont en train de changer. Donc, par conséquent, il a besoin à la fois, comme il le dit dans la lettre de dédicace offerte au prince, d'une longue connaissance des choses modernes et d'une continuelle lecture des antiques. La chose machiavélienne, c'est donc cela. Mais la vérité. La vérité, Verita, ne fait guère partie du lexique ordinaire du secrétaire florentin. Dans Le Prince, Le mot n'est employé que deux fois, la seconde au début du chapitre 23, consacré aux adulatores, ces flatteurs dont les cours sont pleines, mais que le prince doit pourtant fuir, car ils ne disent pas la vérité. Que doit faire un prince prudent? Choisir des hommes sages, laisser à ceux-là seuls qu'il a choisi la voie libre, écouter leur opinion, et ensuite décider par lui-même. Plus tard, dans l'histoire de Florence, il dit qu'il faut autant se méfier des mots des adulateurs que des haineux. Je fuis soigneusement et en toutes occasions les termes violents comme étant peu nécessaires à la dignité et à la vérité de l'histoire. Par conséquent, la vérité machiavélienne, la vérité du politique, de la chose politique, la verità della cosa, s'énonce à bonne distance des mots doucereux et des mots haineux, des adulateurs et des professionnels de la division. Et c'est ici qu'il faut reprendre l'analyse du passage qui nous intéresse, en reprenant le mouvement même de son basculement, qui se donne comme une coupure nette avec la tradition. Alors, laquelle? On peut dire qui sont ces autres contre lesquels il écrit. Alors, il y a trois hypothèses. Il y a ses amis avec lesquels il discute. Ça, c'est l'hypothèse de John Nadjemi, c'est-à-dire il polémique à ce moment-là avec son ami Francesco Vettori, dont le scepticisme radical confère à l'imagination le rôle de substitut des choses dès lors que les mots échouent à rendre compte de la chose, tandis qu'au contraire, Machiavel conçoit l'imagination comme ce qui fait écran aux choses. On peut penser aussi que ces autres, eh bien, c'est toutes les philosophes de son temps, hein, les néoplatoniciens florentins de la fin du 15e siècle, qui inventent des républiques imaginaires pour Machiavel, mais là, une troisième option maximaliste qui est qu'au fond, il s'attaque, il s'oppose à toute la tradition philosophique, et en particulier à la tradition aristotélicienne, aristotélo-thomiste, hein, c'est-à-dire justement celle que j'ai rappelée, la position thomiste selon laquelle, même si les choses ne sont substantiellement vraies que dans l'intellect humain, le vrai est dans les choses, tout en s'accomplissant dans l'intellect des hommes. Sont substantiellement vraies que dans l'intellect divin, pardon. Les choses ne se manifestent que dans l'intellect des hommes. Donc, au total, ce qui est en jeu, c'est pas seulement de réduire la philosophie politique à une observation de ce qu'est le gouvernement ou à une technique de domination, c'est bien plus profondément de poser la question des conditions de possibilité d'un savoir sur la vérité du politique. Pour Claude Lefort, dans un très beau texte qui se nomme « Machiavel et la vérité effective », repris dans son recueil « Écrire à l'épreuve du politique », l'audace de l'auteur du Prince se mesure dans sa conception de la division sociale au fondement de toute construction politique et de la liberté comme fin de tout gouvernement qui échappe à la tyrannie. Or, cette fin et celle que calcule le bon archer, qui, connaissant la courbure de son arc, va viser plus haut que la cible. Hein, c'est-à-dire, Machiavel dit ça, si vous voulez quelque chose, visez plus haut. Pas pour rater la cible, mais parce que vous savez que votre flèche va l'atteindre comme ça. À considérer, je cite Claude Lefort, le fameux propos suivant lequel il semble plus convenable de suivre la vérité effectuelle et de la chose que son imagination, on conclut trop vite que le souci de ce qui est efface le souci de ce qui doit être. La critique de l'imagination fait ainsi négliger une critique plus profonde qui porte sur le statut du savoir, non tant celui du législateur, qui, nous est-il suggéré, si extraordinaire soit sa hauteur de vue, se guide précisément sur la vérité effective, use de la force et se montre habile à exploiter la croyance, mais celui du philosophe. Ne lui est-il pas reproché, plutôt que d'être un rêveur, nous retrouvons le motif du rêveur, de céder à l'attrait de la toute-puissance de la pensée? Et voilà pourquoi, ultimement, pour saisir la vérité de la chose, il faut voir Vedere est le mot qui revient le plus souvent dans Le Prince. Vedere, 70 occurrences, presque toutes renvoient à la vérité de l'expérience. Vedere, il faut voir, il faut ouvrir les yeux. Et c'est là-dessus, effectivement, que l'on peut terminer. Il faut voir, il faut ouvrir les yeux, mais il faut aussi imaginer et délibérer, c'est-à-dire que cette vérité effective de la chose, elle ne s'observe pas, elle ne se constate pas, elle s'imagine, elle se fictionne, et c'est pour cela qu'ultimement, Machiavel l'exprime dans des fables, dans des histoires, dans des fictions politiques. Andare dritto a la verità effettuale della cosa. Aller tout droit à la vérité effective de la chose. On aurait pu faire d'ailleurs aussi un commentaire strictement littéraire de cette chose, de cette phrase, pardon, en remarquant que ce qui va droit, ce qui va tout droit, c'est en latin prosa, la prose, et que Machiavel, au fond, met dans les moyens de la langue, dans le mouvement même de sa prose vernaculaire, tous ses espoirs politiques. Cette prose du monde, de fait, file vite, file droit. C'est la prose républicaine aussi dont parlait Camille Desmoulins. Aller vite, droit, à découvert, justement, pour ne dire le nom des gens et des choses. Tout cela, au fond, nous permet de conclure que ce que fait Machiavel en plaçant la vérité du politique dans les effets de la chose, ce à quoi il s'affaire, pour le dire comme Quentin Skinner, c'est ce que j'ai tenté effectivement de montrer, c'est de rendre le lieu du politique ouvert, disponible et visible, accueillant, indéterminé, pour la délibération, pour l'imagination. La politique, comme vérité effective de la chose, c'est en somme l'exact contraire de la politique des choses, telle que Jean-Claude Milner l'a récemment définie pour désigner notre propre misère politique. Et c'est pour cela, effectivement, qu'on a besoin d'aller percer cette croûte archéologique, d'aller jusque-là et de faire cette histoire, au fond, on parle d'une Amérique précolombienne, peut-être que je suis l'historien de l'Europe pré-machiavélienne, c'est-à-dire jusqu'à ce point de répulsion. Puisque les choses se gouvernent toutes seules, l'expert en politique est celui qui explique ce que veulent les choses. Et ce qu'elles veulent, c'est ce qu'elles disent silencieusement. Combien de fois entendons-nous ceci ? Les choses étant ce qu'elles sont. Ou les choses sont faites ainsi. Il est dans l'ordre des choses de faire ceci ou cela, c'est-à-dire le plus souvent pas grand-chose et très fréquemment rien. La politique des choses, c'est donc le contraire du gouvernement des êtres parlants. Elle consiste à transformer les hommes en choses au nom de ce que veulent les choses. Mais les choses ne veulent rien et nous, on verra. J'ai fait ce que j'ai pu pour accompagner un peu dignement l'événement en cours, je veux dire l'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Je l'ai fait en lui prodiguant, depuis la modeste place que j'occupe, mais en votre nom à tous, tous nos encouragements. Et la première séance, donc, vous vous en souvenez peut-être, elle avait, quant à elle, tenté de définir la fiction politique comme une forme narrative de théorie de la politique, en n'excluant pas justement la possibilité que la fiction, en tant que c'est une expérience de pensée, vous vous en souvenez peut-être, qui rend visible l'invisibilité du visible pour le mettre à l'épreuve du réel, en tant que cette fiction donc puisse anticiper une politique à venir en produisant des effets de vérité. Voilà, c'est, je rappelle une fois encore, une dernière fois peut-être, l'objectif général. De ce point de vue, la cérémonie d'investiture du vendredi 20 janvier 2017 ne nous a pas déçus. Il ne s'agissait pas, a déclaré le président Trump, de transférer le pouvoir d'une administration à l'autre, mais de prendre le pouvoir de Washington pour le rendre à vous, le peuple américain. Le discours écrit, repris par les tweets officiels, prévoyait la formule suivante « I'm giving it back to you, the American people ». Or, les internautes cultivés, je veux dire ceux qui connaissent bien la série Batman, ont tout de suite remarqué que Donald Trump s'était écarté du texte pour prononcer la formule suivante « I'm giving it back to you, the people ». Non pas « the American people », mais « the people », soit très exactement. Et à l'intonation près, le texte de la harangue que le méchant de Batman, Bane, proclame après avoir mis Gotham City à feu et à sang dans l'ascension du Chevalier Noir 2008. Et voilà, très exactement, un effet de vérité. Le pouvoir, tel qu'il s'exerce ou se proclame, se conformerait à une fiction qui lui aurait, par avance, donné sa forme grotesque, rendant du coup impossible toute possibilité de démasquer l'imposture, puisque nous sommes devant un visage qui imite son propre masque et qui le fait de manière notoirement ridicule. Sur ce point encore, c'en est presque troublant, la lecture de Michel Foucault est cruciale, puisque dans la première leçon de son cours, donnée en 1974 et publiée plus tard sous le titre « Les anormaux », il définit la force paradoxale de ce qu'il appelle, je cite, « le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir », qui travaille à le disqualifier de façon manifeste, explicite, volontaire, et qui le fonde sur, je cite encore, « cette disqualification quasi théâtrale ». Et nous reviendrons effectivement à la toute fin peut-être sur cette question de la disqualification quasi théâtrale. Je cite Michel Foucault, « La terreur ubuesque, la souveraineté grotesque, ou en d'autres termes plus austères, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit, ceci, je crois, n'est pas un accident dans l'histoire du pouvoir, ce n'est pas un raté de la mécanique. » C'est vertigineux, sans doute, mais c'est de ce vertige proprement fictionnel que je cherche à m'approcher en compagnie du Burois, sans doute, de Néron, bientôt. Foucault indiquait à juste titre que l'histoire de l'Empire romain fournissait d'éclatants exemples de Néron à Héliogabale de ce rouage du pouvoir grotesque et de la souveraineté infâme, et jusqu'à mes méchants petits seigneurs italiens devenus Beffator et de la Novellistica, que je tente péniblement de rejoindre, mais il faut, évidemment, symétriquement, pour dévisager le tyran, envisager du même regard que son visage puisse être souriant, comme celui de Can Grande de la Scala, le héros cavalier de Vérone, entaillé d'un bon sourire. Car cette histoire des fictions politiques nous porte au seuil de la question des effets du vrai. Voilà pourquoi j'ai tenté la fois dernière de poser, je rassemble encore une sorte de résumé, de reprise, avec Quentin Skinner notamment, la question du rapport de l'historien à la vérité en tant qu'il travaille sur des croyances que les hommes du passé croyaient vraies. Or, il le fait aujourd'hui dans un contexte qu'on appelle de post-vérité, et c'est à débrouiller cette question confuse de la symétrie, la vérité avant-après, que j'ai consacré la première partie de la deuxième séance la fois dernière. Il s'agissait donc de distinguer, par contraste, le mensonge comme contre-vérité, du bullshit, comme indifférence à la question de la vérité. De ce point de vue, l'actualité, si elle nous désole, ne nous dessert pas, hein, une fois de plus. Vous avez peut-être remarqué que la cérémonie d'investiture de Donald Trump avait été suivie d'un point presse au cours duquel l'un des nouveaux porte-parole de la Maison-Blanche avait avancé des chiffres proprement extravagants et manifestement mensongers sur l'affluence populaire à Washington à l'occasion de cette cérémonie et lors d'une très fameuse émission de télé « Meet the Press » chez NBC, le présentateur Chuck Todd avait pressé de questions la nouvelle conseillère du président Trump, Kellyanne Conway, et celle-ci a répondu « Ne surdramatisez pas, Chuck. Notre porte-parole n'a pas dit des choses fausses, mais des faits alternatifs. Alternative facts. » C'était le 21 janvier, et le lendemain, Alternative Facts avait sa notice Wikipédia, qui, comme je le défendais la fois dernière, est un sismographe du contemporain, donc qui enregistre cette nouvelle secousse, cette réplique au sens sismique, dans la déstabilisation de notre régime de vérité. Et donc, il est d'ailleurs assez intéressant de noter au passage que le néologisme alternative facts sert, là encore, à troubler le rapport entre le mot et la chose. Il est intéressant de voir que le néologisme fait dévier cette manière prosaïque au sens étymologique de prosa, ce qui va droit, et républicaine, que l'on définissait avec Camille Desmoulins comme le fait de marcher droit, à découvert, d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Car l'inventivité lexicale de Donald Trump est sans limite. Dans son livre « Art of the Deal », 1987, et on a toujours tort sous-estimer les adversaires, de ne pas voir qu'ils ont par avance écrit ce qu'ils allaient faire. « Art of the Deal », 1987. Il définissait déjà ce qu'il appelait la « truthful hyperbole », l'hyperbole véridique, comme une forme innocente d'exagération, une technique destiné à, je cite encore, jouer avec les fantasmes des gens. Par exemple, lorsqu'il continue à dire, il continue à dire que la Tower Trump fait 68 étages quand elle n'en a que 58, ce qui n'est pas très compliqué à vérifier. Parce que à partir du quatrième étage, c'est marqué 14 afin que les habitants se sentent surélevés, valorisés. Et il dit, au fond, c'est une hyperbole véridique. Bon. C'est pas une obsession, hein, c'est justement une provocation du contemporain pour comprendre ce que j'ai appelé l'archéologie du scepticisme médiéval, c'est-à-dire trouver en deçà du point de répulsion machiavélien défini par Foucault un premier régime moderne d'articulation entre l'exercice du pouvoir et la manifestation de la vérité. Et on avait vu que même dans le cadre thomiste d'une théorie transcendantale de la vérité, les scolastiques eux-mêmes pouvaient faire valoir des certitudes probables pour approcher le vrai par des procédures rationnelles d'approximation. Et on avait vu aussi que, ce faisant, ils imposaient ce que Catherine Koenig-Pralon appelle une orthodoxie de l'invraisemblable. Plus c'est difficile à croire, plus les doctes se sentent autorisés à le dire. Et à cette orthodoxie de l'invraisemblable, les laïcs, évidemment, opposent les observations de l'expérience. Car la vérité effective de la chose se manifeste, vedere, ça se voit, c'est le mot-clé de l'anthropologie politique de Machiavel, et l'on a compris avec Claude Lefort que le réalisme machiavélien ne constituait pas une critique de l'imagination, il passe bien, là encore, par des fictions imaginantes, peut-être même par des visions d'histoire, et c'est par elles, c'est par des fictions que l'on doit faire droit à la vérité effective de la chose. Andare dritto alla verità effettuale della cosa. Ce qui va droit, c'est la prose, et l'on sait que Machiavel met au fond dans les moyens de la langue, dans le mouvement même de sa prose, tous ses espoirs politiques. Alors, si cette prose file droit, ce qui peut la faire dévier, c'est, par exemple, les traductions. Comment c'est traduit en français ? Andare dritto alla verità effettuale della cosa. Une des premières traductions, Jacques Gohori, 1571, est assez fidèle. Suivre la vérité effective de la chose plutôt que son imagination. Chez Nicolas Hamelot de la Houssaye, 1683, ça devient « Il vaut mieux parler selon la vérité de la chose que selon ce que le vulgaire s'en imagine. » Et chez Jean-Vincent Périès, 1823, on retrouve plus sobrement de vaines spéculations. Pourquoi ce glissement de l'imagination à la spéculation en passant par l'erreur du vulgaire ? Ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être qu'une erreur du vulgaire ? « Collège de France et France Culture vous présentent l'historien Patrick Boucheron dans le cadre de sa série Fiction politique, aujourd'hui, archéologie des erreurs collectives. L'apparition de l'erreur du vulgaire à la fin du XVIIe siècle n'est évidemment pas fortuite. Elle constitue bien la trahison la plus flagrante de la pensée de Machiavel, pour qui ceux qui se trompent le plus lourdement sur la vérité effective de la chose, ce sont toujours les doctes. Comme l'a par exemple écrit Sandro Landi dans son livre sur l'opinion publique, lorsque, dans Le Prince, Machiavel critique la commune opinion, la communis opinio, pour élaborer une théorie politique qu'il qualifie d'inédite, il vise en fait l'opinion commune des doctes, la communis opinio doctorum des scolastiques, c'est-à-dire l'accord des voix autorisées. Ce sont eux qui se trompent. Bien différente est l'acception de l'opinion commune que l'on lit au chapitre 58 des discours sur la première décade de Tite-Live, et que je cite. « Ce n'est pas sans raison que l'on compare la voix du peuple à celle de Dieu, car on voit que l'opinion universelle réussit merveilleusement dans ses pronostics, de sorte qu'elle semble prévoir par une vertu occulte le bien et le mal qu'on lui fait, il suo male et il suo bene. » Tel est, au fond, le principal credo de la foi républicaine qui a besoin de croire à la raison du nombre, même si la suite du texte machiavélien ne cesse de le fragiliser. Il est maint exemple historique où le peuple s'est trompé sur le bien et le mal qu'on lui a fait, ou plus exactement, qu'on l'a trompé par des mensonges. D'où la proposition essentielle du chapitre 47, les hommes se trompent dans les jugements généraux, mais ils ne se trompent pas dans les détails. Alors, évidemment, il y a quelque chose de très intéressant qui n'est pas mon sujet ici, qui est que Machiavel concède aux dominés la science de leur domination. C'est un grand acquis de grande portée qui ne sera en fait relevé que bien plus tard par la sociologie critique de la critique. Mais c'est plutôt sur le début de la proposition que je souhaite me pencher à présent. Ce n'est pas sans raison que l'on compare la voix du peuple à celle de Dieu. Ce n'est pas sans raison qu'on la compare. Alors, quelles sont ces raisons? Vous reconnaissez ici un adage qui accourt dans notre conception du politique, vox populi, vox dei. C'est lui qui fonde aujourd'hui la fiction démocratique. Je parle de fiction démocratique au sens juridique du terme, j'y reviendrai. Fiction selon laquelle la souveraineté populaire tient lieu du principe divin. Entendez à la fois qu'elle se tient au lieu même du principe divin, comme cause qui n'est pas engendrée, mais créée par le seul fait de se dire. Voilà, c'est ça la souveraineté populaire. Au moment où on la dit, elle se constitue comme principe. Dans son livre très ancien, 1969, consacré à cette maxime, Vox Populi, Vox Dei, Georges Boas montre que le moment décisif dans l'efficacité politique d'un réel énoncé se situe justement lors de la Révolution américaine. Les premiers mots de la déclaration de 1776, « We, the people of United States », sacralisent le sujet de la loi, et les pères fondateurs donnent voix au peuple pour fonder la nation américaine, et le sujet et l'acte même de l'énonciation, « We », se constitue en sujet au moment même de se dire, parce que ce sujet n'existe pas avant de se déclarer. C'est pour ça que ça s'appelle une déclaration. Vous remarquerez d'ailleurs que la formule trumpienne constitue le renversement grotesque « you, the people » de la déclaration We the People, ce qui n'est pas rien quand même, hein, ce qui montre que l'abandon du nous marque en fait l'apparentement profond entre le populisme et le dédain du peuple. We the People, encore faut-il y croire que nous sommes le peuple. On aurait là une sorte de cogito politique. Non pas je pense donc je suis, mais nous croyons donc nous sommes. Et nous sommes au principe de la souveraineté. Une telle sacralisation de l'être ensemble constitue bien la matrice du libéralisme politique, de l'individualisme moderne, dont l'exemple le plus précoce, le plus accompli, c'est la religion civile américaine. Alors, cette religion civile américaine, en fait, elle est relativement récente. Hein, elle n'a été, enfin, en tout cas dans sa description sociologique, c'est Robert Bella qui l'a théorisée en 1967 à partir... notamment du serment de John Fitzgerald Kennedy le 20 janvier 61. Et comme l'a montré Emilio Gentile, et la religion civile américaine comporte effectivement ses écritures saintes, la déclaration d'indépendance, ses saints patrons, George Washington comme Moïse américain libérant le nouveau peuple d'Israël de l'esclavage, ses martyrs, Abraham Lincoln, ses icônes, le dollar, sa devise « In God we trust », etc. Donc elle constitue une forme de sacralisation du politique, qui n'a à voir ni avec la sacralisation du pouvoir politique, ni avec la politisation de la religion. Ce sont des distinctions, effectivement, qui valent pour l'époque contemporaine, mais on doit bien faire avec cette réalité embarrassante. La religion civile américaine, et au-delà, la fiction démocratique, prend la voix du peuple pour la voix de Dieu. Et Machiavel, vous l'avez entendu, ne dit pas que l'une est l'autre, mais que c'est avec raison que l'on compare l'une à l'autre. Et on est donc bien toujours dans cette philosophie du « comme-si », donc dans une fiction juridique, où, par une série de transferts, l'un tient lieu de l'autre. Et voilà pourquoi il est toujours si fascinant pour un médiéviste d'assister à une cérémonie d'investiture américaine, et de s'y retrouver, pour ainsi dire, comme chez lui. Parce que, profondément, il y a là un apport de la théologie, du théologico-politique, et en particulier de ce moment où le mort saisit le vif, hein, où il y a cette béance sans laquelle il ne peut pas y avoir de souveraineté entre le président élu et le président déclaré. Car, c'est bien une ancienne maxime théologico-politique, une formule anaphorique, vox populi, vox dei, dont en plus le lustre latin donne un parfum d'intemporel qui fonde la modernité de la démocratie. Et d'où vient-elle cette maxime, au fait? Alors c'est Alain Bourreau qui a mené l'enquête dans un article paru dans les Annales en 1992, l'enquête archéologique. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne débouche pas sur une référence scripturaire. On a bien chez le prophète Isaïe une voix du peuple rapprochée de la voix de Dieu, mais c'est en fait une clameur. La voix du peuple n'est pas une expression collective, mais une clameur, et une clameur confuse dans laquelle se reconnaît l'écho du cri d'indignation divin. Rien de plus. Et voilà pourquoi la première attestation de l'adage latin, vox populi, vox dei, c'est dans une lettre d'Alcuin à Charlemagne, en 798, qui dit ceci: selon les lois divines, le peuple doit être conduit et non suivi. Et en matière de témoignage, des personnes honorables sont à préférer. Ça veut dire qu'une voix n'en vaut pas une autre, d'accord? Sur la scène judiciaire. Et il ne faut pas écouter ceux qui disent vox populi, vox dei, car l'agitation bruyante du vulgaire est toujours proche de la folie. Donc on retrouve l'agitation bruyante, on retrouve la foule confuse, et la première fois qu'on entend ce qui n'est pas une référence scripturaire, donc ce qui est proverbial, on va dire, c'est pour le dénoncer. Il ne faut pas entendre ceux qui disent. Donc, ça veut bien dire que certains commencent à le dire, ou le disent depuis longtemps. Mais évidemment, pour un Alcuin, poète et théologien, garant sourcilleux de la culture légitime, cette circulation proverbiale la rend proprement incontrôlable. En fait, bon, c'est quand même un fin, c'est assez ténu, hein, la tradition de cet adage. Il y en a huit occurrences entre 798 et 1200, le plus souvent, effectivement, pour le dénoncer, et presque toujours dans un contexte anglais. Alain Bourreau a suivi, par exemple, ce filon jusqu'à la déposition du roi Édouard II en 1327, victime d'une conjuration organisée par son épouse Isabelle, par son amant de celle-ci, Roger Mortimer, les barons et le clergé, et c'est l'archevêque de Canterbury, Walter Reynolds, qui justifie cette déposition dans un sermon prononcé le 15 janvier 1327, prétextant de l'assentiment populaire, mais on voit bien qu'à ce moment-là, l'usage du proverbe « vox populi, vox dei » est tactique. Bon, voilà. Enfin, comme il y a quand même beaucoup de dépositions de souverains anglais, Richard II en 1399, puis au XVe siècle, Henri VI à deux reprises, Édouard IV, Richard III, Henri VII, eh bien, l'adage circule, passe dans le camp protestataire, celui des Lollards, puis des communautés protestantes, et c'est ainsi qu'on la retrouve dans cette terre d'élection qu'est l'Amérique. Mais reste à dater le moment de l'inversion du sens de la formule, le moment de la levée de la dénégation. Alain Bourreau la situe au tournant des XIe et XIIe siècles, et notamment avec le chroniqueur anglo-normand Guillaume de Malmesbury, qui rédige en 1125 à la fois des Gesta Regum Anglorum et des Gesta Pontificum Anglorum, c'est-à-dire des actions des rois d'Angleterre d'une part et des actions des évêques d'Angleterre d'autre part, comme si son œuvre était bien partagée par la coupure grégorienne. Or, l'adage Vox Populi, Vox Dei vaut positivement pour justifier les élections épiscopales. L'histoire royale, quant à elle, recueille la notion de patrie. C'est ça qui la fonde, pas la voix de Dieu. Dans son magnifique article « Pro patria mori »,« Mourir pour la patrie » dans la pensée politique médiévale, paru en 1951, Ernst Kantorowicz démontre la manière dont l'injonction la plus effrayante de l'histoire des pouvoirs se construit par l'élargissement religieux de la notion de patrie au corps mystique de la communauté qui appelle l'exaltation du martyr. Et c'est un texte qui commence évidemment par la guerre de 14, dont il a eu l'expérience, je vais y revenir, évidemment, et il va chercher la genèse médiévale de tout ça. C'est sans doute parce qu'il tient à distinguer strictement les clercs des laïcs que Guillaume de Malmesbury s'exprime avec scepticisme sur les guérisons miraculeuses qu'aurait accomplies Édouard le Confesseur. Je cite, « De notre temps, quelques-uns se servent de ces miracles pour une œuvre de fausseté. Ils prétendent que le roi possédait le pouvoir de guérir cette maladie, non en vertu de sa sainteté, mais à titre héréditaire, comme un privilège de race royale. » C'est quand même un témoignage très précoce, et assez net d'instrumentalisation. Certains se servent de ce miracle, ils prétendent que... Et où on voit bien effectivement que, ben voilà, ça, vous en doutez, le fait qu'il y ait des saints rois ne pose aucun problème à l'Église. Ils peuvent alors faire des miracles en tant qu'ils sont saints. Mais que des rois, parce qu'ils sont rois, se transmettent cette grâce, voilà qui est évidemment plus difficile à admettre. Or, on l'attribuait, cette grâce, aux rois de France et d'Angleterre, c'est le don de guérir par le toucher des mains les écrouelles des scrofuleux, c'est-à-dire des malades qui sont atteints d'une adénite tuberculeuse, une inflammation des ganglions lymphatiques par la tuberculose. C'est une maladie dont soit on meurt, soit on guérit, en fait. Donc effectivement, ça pouvait se voir que certains guérissaient. Voilà. Et dans les deux cas, c'est un peu hasardeux. Bon, alors évidemment, vous avez reconnu, vous voyez où je veux en venir, l'un des livres fondateurs de l'anthropologie du pouvoir politique au Moyen-Âge, « Les rois thaumaturges » de Marc Bloch, paru en 1924. Dans l'importante préface qu'il donna au livre en 83, Jacques Le Goff insiste sur l'importance dans la genèse de l'œuvre de la bibliothèque de Strasbourg, où Marc Bloch a lu les historiens allemands d'abord, beaucoup évidemment, mais aussi où il a rencontré le psychologue Charles Blondel, le sociologue Maurice Halvax, les deux étant évidemment des élèves d'Émile Durkheim, et c'est ça qui est fondamental hein, dans ce livre, c'est le coup de force historiographique qui consiste à faire levier sur la sociologie durkheimienne des religions pour transformer le regard porté sur le passé, tout en défendant l'autorité disciplinaire des historiens. C'est d'ailleurs comme ça que s'explique l'histoire de la réception du livre, qui a été récemment évoquée par Thomas Hirsch dans un livre intitulé « Le temps des sociétés ». On voit bien que là, 1924, les temps thaumaturges, Marc Bloch, tout le monde autour, oui, je l'ai dit, Blondel, Halvax, Lévi-Leblond, Lucien Lévi-Brulle, qui évidemment y voit un encouragement à étudier ce qu'il appelle la mentalité primitive. Enfin, tout ça est vraiment un carrefour des sciences sociales. Et au fond, il n'y a que certains médiévistes un peu bornés pour faire la fine bouche dans le dossier de réception, qui est quand même globalement enthousiaste. C'est le cas de Robert Faftier, je le lis parce que c'est assez amusant, dans Le Moyen-Âge, qui proteste du fait que Marc Bloch sort du cadre des études auxquelles est consacrée cette revue, et même des études historiques. Du Moyen-Âge, effectivement, parce qu'il va jusqu'en 1825, hein, jusqu'au sacre de Charles X, et où là, on échoue quand même à faire croire aux écrouelles, ça commençait à devenir difficile depuis le XVIIIe siècle. Donc, il va jusqu'à l'épuisement, évidemment, du rituel, donc un fait de mentalité en longue durée, et puis, effectivement, peut-être le cadre des études historiques, puisqu'il s'agit quand même de percer le champ du croyable. Ce à quoi, d'ailleurs, Marc Bloch répond l'année suivante dans la même revue, je cite parce que c'est assez drôle, « Si son recenseur sait avec précision où s'arrêtent le Moyen-Âge et les études historiques, je connais moins bien ses limites. » Et en ce qui concerne au moins l'histoire, je ne placerai sans doute pas la borne frontière, si j'osais en fixer l'emplacement, sur la même ligne que lui. Évidemment, cette question de la borne, des frontières, on va y revenir de manière, d'ailleurs, plus dramatique que la question des frontières disciplinaires. C'est proprement, je le répète, l'expérience de la guerre. Parce que ce livre est effectivement, pour Marc Bloch, un dépassement de l'empirisme méthodologique, ce qu'on a appelé à tort le positivisme, comme l'a montré Otto Gerhard Huxle, la sociologie durkheimienne lui inspire en fait l'usage du comparatisme pour échapper justement à l'enchaînement des causes linéaires. On ne doit jamais oublier le sous-titre de ce livre, hein, « Essai d'histoire comparée ». Il s'agit d'un comparatisme de proximité entre la France et l'Angleterre, celui qui a toujours intéressé Marc Bloch, en fait. L'Angleterre l'intéresse énormément, et il utilise la science allemande pour comprendre la comparaison franco-anglaise, et ce qui est d'ailleurs incompris, hein, son programme d'histoire comparée ne rencontre guère d'adeptes. Mais s'il s'éloigne du déterminisme méthodologique, c'est pour se rapprocher d'une scientificité telle que les bouleversements de la physique, de Einstein à Heisenberg, viennent de la reconfigurer. C'est-à-dire que, et ça c'est les travaux de Enrico Castelli-Gattinara, qui a montré pourquoi Marc Bloch et Lucien Febvre sont des grands historiens. Parce qu'ils ont plus précocement et plus intensément que leurs contemporains compris les implications du trouble épistémologique qu'engendrait la révolution de la relativité sur les théories robustes de l'objectivisme. Parce qu'ils étaient contemporains de la science qui était en train de se faire. Et ça, c'est quand même très important. Parce que, est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a effectivement le séisme physique sur l'objectivisme, qu'il faut abandonner le souci de vérité? C'est très exactement l'inverse. C'est pour ça que je dis que c'est un dépassement de l'empirisme pragmatique pour accroître le souci de scientificité. Et c'est là où il faut tenir compte de deux autres expériences qui sont déterminantes pour Marc Bloch. Celle de l'affaire Dreyfus et celle de la guerre. L'affaire Dreyfus, c'est son père, Gustave Bloch, professeur d'histoire romaine à la Sorbonne, qui est l'un des premiers signataires de la pétition des intellectuels pour réclamer la révision du procès du capitaine Dreyfus. Et lorsque Marc Bloch entre à l'école normale supérieure en 1910, c'est une école qui est marquée par l'engagement de Lucien Herr, de Charles Seignobos, d'Émile Durkheim, de Charles Handler. Quant à la guerre, évidemment, il la traverse de part en part, en se battant sans discontinuer, du moment où il est mobilisé, août 14, au moment où il est démobilisé, le 13 mars 1919. Donc, ça, c'est ce qu'il a appelé le grand laboratoire, où il prit conscience des caprices de la mémoire et de la fragilité des témoignages humains. Comme le montrent les travaux de Nicolas Mariot, dans « Tous unis dans la tranchée », l'expérience du feu, c'est pour les intellectuels mobilisés une rencontre du peuple. Il y a là un héroïsme de la ténacité qui est effrayant et superbe, écrit Pierre-Maurice Masson dans ses écrits. Et d'où d'ailleurs une barrière sociale qui le plus souvent ne tremble pas. On y entend par exemple le terrible cri du cœur de Jean Norton Crue, qui ensuite va avoir un rôle déterminant dans la collecte des témoignages. Parlant du peuple, il dit « J'ai une conscience, eux semblent s'en passer ». Donc, ça veut dire qu'au fond, les intellectuels, face à ce qu'on appelle l'expérience du feu, maintiennent intacte leur anthropologie séparée. Seul ou presque fait exception Robert Hertz, qui est un élève génial de Durkheim, pionnier de la sociologie des religions, qui sert comme sous-lieutenant d'infanterie, qui meurt le 13 avril 1915, à l'âge de 33 ans. Il laisse une masse considérable de notes, de lettres, publiées plus tard, rassemblées par Marcel Mauss, parce qu'en fait, il n'a jamais cessé d'exercer son métier d'ethnologue. Et ça va, c'est un livre qui sort là dans les jours qui viennent de Nicolas Mariot, qui campe ce profil extraordinaire, enfin héroïque en fait. C'est un héroïsme de la science, parce qu'il observe, il apprend, il se rend compte que les paysans, comme lui, veulent poursuivre leur existence ordinaire, et il écrit des lettres absolument magnifiques. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire une, 14 février 1915. Hier soir, alors que les délicats de la ville plissaient encore leur nez et manifestaient quelque étonnement de se trouver là, les gars de la campagne, sais-tu ce qu'ils faisaient ? Ils jouaient à se vendre les bêtes qui se trouvaient là, l'un offrant, l'autre marchandant, par pistole et par écu, avec force cri et force geste, appréciant les formes de la vache, son pis, son cul, tout comme au champ de foire de chez eux, la vache d'abord, et le petit veau, et le cochon, et le chien, au milieu des rires de la galerie, et cela a duré peut-être une heure. Ils ont, à un degré étonnant, l'instinct et le goût du comique, un comique fin, léger, de bon aloi. C'est très proche de la lettre de Machiavel à Francesco Vettori lorsqu'il est en exil. Et justement, de cet exil, il fait quelque chose. Il tente de comprendre, de voir ce que c'est qu'une anthropologie du pouvoir sur le vif. Et ils sont très rares, les intellectuels, à avoir compris qu'il y avait là ce que, justement, Marc Bloch appelle un grand laboratoire. Et on ne peut pas comprendre que finalement, ben voilà, c'est aussi ça qui va faire tourner les sciences sociales. Cette expérience-là. Marc Bloch aussi cherche à comprendre. Mais lui, c'est un rationaliste. C'est un voltairien. Il est ce qui le passionne et l'effraie. C'est ce qu'il appelle les aberrations, les illusions collectives. Et c'est cela qui va donner, dans la revue de synthèse historique, en 1921, les réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Il observe la manière dont les rumeurs, les fables, les exagérations, les légendes s'inventent, se développent, se recoupent, se transforment, s'épuisent, se confrontent, s'assèchent. Une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance, écrit-il. Et il trouve là, effectivement, un terrain nouveau pour l'historien. Il s'interroge à la fois sur la crédulité et le scepticisme. Il comprend que le doute est parfois aussi absurde que la foi la plus aveugle. Ainsi, au front, on voyait le même homme alternativement accepter bouche bée les récits les plus fantaisistes ou repousser avec mépris les vérités les plus solidement établies. Au fond, c'est cette conception du bobard, pour reprendre un mot de l'argot de tranchée qui traduit peut-être le mieux notre bullshit d'aujourd'hui, que Marc Bloch transporte dans l'analyse du rituel du toucher royal mené dans les rois thaumaturges. Et c'est une expérience de la guerre, mais la vraie, pas celle dont, dont parlent les polémistes, la vraie. Et de ce point de vue-là, voilà pourquoi Jacques Le Goff le voyait en pionnier de l'anthropologie historique, mais aussi en inventeur qui se trouve borné par son rationalisme. Un rationalisme dont on comprend effectivement l'origine, l'affaire Dreyfus, la volonté d'affirmer le régime de la preuve. Sans doute Marc Bloch n'aurait-il pas renié ce rationalisme, lui qui dédiait son livre à la mémoire de son père et de son frère médecin. À la toute fin de ce livre consacré à ce qu'il appelle l'éclat trompeur des rois, il écrit « Aussi est-il difficile de voir dans la foi au miracle royal autre chose que le résultat d'une erreur collective. » C'est évidemment une expression qu'on ne pourrait plus employer aujourd'hui, mais c'est ça que j'essaye d'approcher. Qu'est-ce que ça pourrait être qu'une erreur collective ? Et est-ce que l'erreur collective, c'est toujours celle des vulgaires ? Non, évidemment. En tout cas, cette expression, il la reprend en 1933 dans son compte-rendu paru dans les annales du livre de Georges Lefebvre sur la grande peur de 1789. Et son compte-rendu s'appelle « L'erreur collective de la grande peur comme symptôme d'un état social ». Et il y relève cette phrase assez belle de Lefebvre. « On trouvera sans doute légitime que, cherchant à expliquer la grande peur, j'ai essayé de me ranger parmi ceux qui l'ont éprouvée. » Et Marc Bloch de commenter « Chez un auteur dont la probité, voire la minutie scientifique, sont au-dessus de tout soupçon, et qui, dans la forme de son exposé, est bien loin de sacrifier au dieu du romantisme, il est frappant de retrouver dans cette phrase comme un écho de ce qu'il y eut peut-être de meilleur en Michelet. » C'est ça la question. Faut-il éprouver soi-même une erreur collective pour s'en faire l'historien ? Et doit-on croire en ces fictions pour mieux savoir les démontrer ? Du Collège de France, vous venez d'écouter Patrick Boucheron le 24 janvier 2017 dans le cadre de sa série Fiction politique, aujourd'hui Archéologie des erreurs collectives. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2016. Je rappelle également son édition commentée et illustrée du Prince de Machiavel au Nouveau Monde en 2012 et la publication prochaine de ses chroniques radio sur France Inter, Un été avec Machiavel aux éditions des Équateurs. Patrick Boucheron a également publié chez Verdier en 2008 « Léonard et Machiavel ». Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur les fictions politiques avec Patrick Boucheron, rompre le charme du théologico-politique. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.